ruisseaux, toutes les rivières et tous les puits d'ici sont à sec. Il y a des jours qu'on est en prière, que l'hirondelle ouvre son bec. Tous les ruisseaux, toutes les rivières et tous les puits d'ici sont à sec. Il y a des jours qu'on est en prière, que l'hirondelle ouvre son bec. Elle va pleurer la terre de tes